Et si on n'avait plus de temps, on devait partir maintenant. Est-ce que tu me serrais dans tes bras? Car il est urgent quelquefois de pouvoir s'accrocher à quelque chose. Et si on n'avait plus de temps, on devait partir maintenant. Quelle serait ta dernière pensée? Dis-moi la vérité. Elle serait pour moi ou autre chose? Tu n'aimerais pas partir pour toujours, mais partir un jour, vers des lendemains plus malins. Et si tu partais demain?